Dink Effect aussi ay paquet crayon noir 144 crayons noirs au total. Ben bu nek mi ngi ma diké 30 francs CFA. Crayon noir ben bu nek mi ngi ma diké 30 francs CFA. 144 au total ñoo ci nek.